qui est 14h06. Voilà, et bien bonjour à tous, à vous toutes. Voici donc l'émission Musidance jusqu'à 14h, donc pendant 14h jusqu'à 17h, pendant les 3h. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé une bonne matinée et puis un bon début de semaine. Voilà donc, et bien je vous laisse avec tout simplement France Gall, avec le titre s'appelle évidemment, suivi de Violette Cara, Délivre-moi et puis Amir. Et puis il y aura d'autres chansons différentes. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout, évidemment. Comme avant, et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert? Partout, on garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout. Évidemment. Comme avant, pas comme avant. Livre-moi, c'est lassé, sont des grands froids et j'ai. L'abîme-nous, accro de ça. Tu reviens, serrer les liens, à bout de souffle, oui je l'avoue. Paradis. suis prédateur, un jour je suis la proie. Un jour j'ai chaud au cœur, un jour j'ai tellement froid. Parfois je ne vois plus clair, le miroir me déforme. Je me lève sans lumière et mes rêves s'endorment. Qui fait son cinéma. Un jour c'est le destin qui tient la caméra. Mon esprit solitaire se perd au fond des bois. Je vois le monde à l'envers, mes rêves sont à l'étroit. Plonge au cœur de moi, au fond de mes racines. De mes racines où personne ne voit. Plonge au cœur de moi, le temps est sans. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voici donc qui s'appelle William Isher. J'ai tout fait pour te plaire. Jamais je n'aurais pensé que je serais prisonnière. Je me dis qu'en fait c'est normal d'avoir des d'avoir des traces noires, que c'est moi qui n'obéis pas. J'en perds le moral, j'oublie sans savoir. Mon supplice est bien là, ma souffrance en témoigne. Pourtant je ne sais pas, malgré tout mon calvaire, tous les appels à l'aide, les témoins ne bougent pas. Ma vie, mon apparence. Perdu, isolé, je m'assaille dans mes idées noires après tous ces mois. Isolé de tout, je me vois dans un gouffre noir, personne ne me voit. Mon supplice est bien là, ma souffrance en témoigne. Pourtant je ne sais pas, malgré tout mon

14h30, voici donc les programmations juste après, à partir de 19h jusqu'à 21h. Vous allez retrouver avec Christophe, avec Ulrich Choc. Et puis, mercredi, à partir de 9h jusqu'à 11h, vous allez retrouver une nouvelle émission. Et puis, juste après, bien, tout simplement, vous allez retrouver entre le soir, 18h jusqu'à 19h30, l'émission traditionnelle avec Violette. Et puis, juste après, tout simplement, bien, vous allez retrouver 19h30, 21h avec David, ça va le faire. Et puis, entre 21h, minuit, l'émission VIB. FM en couleur. En couleur. Il y aura les jours avec les jours sans. Les amis qui retourneront leur veste en un rien de temps. Les jours de peine qui nous enchaînent et les tourments. Les amours chiennes. À l'âge où l'on renie son père, tu me renieras. Et moi je ne ferai pas de manière, pas de cinéma. Tu me diras merde, des claques se perdront, c'est comme ça. Je faisais la même. Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. Quand on est riche d'être père, tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Les années passeront vite, on rejouera les anniversaires, les Noëls, etc. Comme tous les soirs, il y aura ta mère qui attendra que tu reviennes. Quand j'aurai besoin de toi, où seras-tu? Quelque part en voyage, sur une plage, répondras-tu? Je rêverai de ton visage, je ne saurai plus. Quel est ton âge? Tu seras peut-être pas le meilleur, mon fils. Et pourtant, moi, je serai fier. À quoi ça sert d'être riche? Quand on est riche d'être père. Tu seras peut-être pas le plus fort, mon fils. Mais à deux, on sera millionnaire. Que je sois pauvre ou bien riche, tu seras riche d'un père. Tu seras riche d'un père. Mon petit empereur, ne deviens pas un grand homme. Sois juste un homme grand. C'est suffisant. On est riche d'être père. Tu seras sûrement pas le plus fort, mon fils. Mais à

attend ma guérison. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Avec toi, je revis. Tu as su combler toutes mes envies. Protège-moi, je t'en prie. Emmène-moi rêver dans une autre vie. Toi seul as su soigner mes maux, soigner les maux dans mon esprit. À l'infini, je te remercie. Tu m'as fait vivre et tu m'as guéri. Je te suivrai, je suis prête. Partout où tu auras besoin de moi. T'inquiète pas, je ferai tout, je te promets. Qu'ensemble on arrivera au sommet. On se connaît, les mêmes délires. Avec toi je me tape des barres de rire. Au final je ne veux que ton sourire. Ça fait bien trop mal de devoir s'ouvrir. Toi seul as su soigner. Je m'en fous, je vais être kidnappé. Même si tes copines sont jalouses, oui, je m'en fous, c'est ton bout que je veux. T'en passe en baille, je vais le travailler. T'en passe en baille, il va me tuer. Ce soir, sans jarre, vas-y sur le bail. Ce soir, sans jarre, vas-y sur le bail. Ce soir, sans jarre. Du Latino, voici Kenji Girac avec deux titres différentes de Kenji Girac. Ce matin, le premier c'est Mon Univers.

dans un autre univers. ses amoureux, l'éternité au mieux, et qu'il bénisse ces êtres merveilleux qu'on appelle nos vieux. Voilà, petit Renaud, et puis donc un petit bonjour à Florian avec quelques morceaux portugais, et puis après on se retrouve avec Michel Sardou. Diz-me que não, se tira uma foto com ele. Não gosta de...

Voici Michel Sardou, donc il a laissé la place à Sylvain Vartan. Donc bien, le voici donc, Corsica. L'éternité, c'est Zonza. Les tours génoises ont vu passer de la Birème au plaisancier beaucoup d'hommes qui ne savaient pas que si tu t'offres, on te prend pas. Ma liberté, c'est Zanza, un bout de terre au fond du sud où s'évanouit ma lassitude comme un rêve qui ne revient pas. Bella Corsica, fleur de montagne posée sur l'eau, où la mer s'abreuve au ruisseau pour éclairer son bleu marine. Corsica, ma belle Corsica, si je pouvais choisir l'endroit où la mort me recouvrira de son manteau. J'aimerais qu'elle m'endorme chez toi. L'éternité, c'est Zonza. Elle a protégé les brigands quand ils étaient bandits d'honneur, comme on l'est tous au fond du cœur. Lorsque le jour est trop pesant, ma liberté, c'est Zonza. Les tours d'en bas m'avertiront quand tout au fond de l'horizon mon dernier matin paraîtra. Oh, Corsica bella, Corsica, fleur de montagne posée sur l'eau où la mer s'abreuve au ruisseau pour éclairer son bleu marine. Chez toi, oh, Corsica bella, Corsica. Corsica, ma belle Corsica. Si je pouvais choisir. Alors qu'elle m'endorme chez toi, l'éternité, c'est Zonza. La mer est en bleu entre deux rochers bruns, je l'aurais aimé en orange. Ou même en arc-en-ciel comme les embruns étranges. Je voudrais changer les couleurs des temps, changer les couleurs du monde. Le soleil, le vent, la rose des vents, le sens où tournera ma ronde. Et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gronde. Brosser les rues et les bancs, parer les villes de rubans, peint la tour Eiffel, rose chère, marier le métro à la mer. Le ciel est de fer entre deux cheminées, je l'aurais aimé violine, ou même en arc-en-ciel comme les fumées de Chine. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Le soleil, le vent, la rose des vents, le sens où tournera ma ronde. Et l'eau d'une larme et tout l'océan qui gronde. Je suis de toutes les couleurs, surtout de celle qui pleure. La couleur que je porte, c'est surtout celle qu'on veut effacer. Et tes cheveux noirs étouffés par la nuit, je les voudrais multicolores, comme un arc-en-ciel qui enflamme la pluie d'aurore. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. Les mots que j'entends seront éclatants et nous danserons une ronde. Une ronde brune, rouge et safran et blonde. Voici donc le petit tatin de l'Angleterre, Jimmy Somerville. You make me feel, le titre. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Voilà, donc bien, je laisse les titres pour des émissions pour le jeudi et le vendredi. Donc pour jeudi matin, à partir de 9h jusqu'à 11h, vous allez retrouver l'émission de Argemiro avec Vaz de Portugal. Dans l'après-midi, entre 14h et 15h, avec Fabien côté association. 15h, 17h, Chantal avec Punch en musique. Puis en soirée, à partir de 17h jusqu'à 19h, eh bien vous allez retrouver Christine avec Portugal, nos Corréziens. Juste après, entre 19h et 20h, ils sont deux. Luis et Jackie avec Noche Famanca, entre 19h et 20h. Et puis entre 20h et 22h, Pierre avec l'émission Pierre Chaud. Et puis pour le vendredi matin, entre 9h jusqu'à midi, eh bien vous allez retrouver Fera avec Espaço de Musica. Voici Soprano. J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi t'es un peu trop rêveur. Petit tu as un trop gros appétit, la réalité est fadée sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde suit le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre.

Et puis juste après, ce sera Chris. Dans les ruines des ambassades traîne le parfum amer et fade de la poudre qui parle pour rien et des chagrins de plomb. Les images devant la petite calmette s'endort s'amoncèlent sur les blessures de Phnom Penh. Les petites danseuses légères courbent lentement leurs mains dans la tradition millénaire du peuple khmer. La pureté renaît de ce geste fier.

Diallo. Ouh ouh, Fanta Diallo. Sweet sweet, Fanta Diallo. J'ai une photo du bonheur, ouais, et c'est la tienne, accrochée à mon cœur pour qu'elle me soutienne dans les saisons de pluie. Avec la raison, plus amour de jeunesse, on a plus 16 ans depuis. Au bord de la lagune, elle a su embellir mes lacunes. Douce Fanta Diallo, il n'y en a qu'une. Le sourire ensoleillé par l'ivoire, elle a inspiré mes mélodies et rythmé ma voix. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Ouais, ouais. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo, Fanta walking on the rainbow now. Je chante pour me souvenir. Fanta shivering in the moonlight, baby. Ma douceur, mon ami, mon âme sœur, mon secret, ton parfum guérisseur. Je chante pour me souvenir de ses lèvres. Dans mon cœur, tu seras toujours célèbre. Dans les yeux d'une femme, ouais. J'ai appris à renaître, à mieux me connaître. Pour être honnête, je t'avoue, elle m'a aidé à traverser le tunnel. Où que tu sois, mon amour est éternel. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Ouais, ouais. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Ouh, ouh, Fanta Diallo. Fanta walking on the rainbow now. Je chante pour me souvenir. Fanta shivering in the moonlight, baby. Cette chanson est une étincelle pour ceux et celles, ouais, victimes d'un amour perdu qui se sentent seuls. Petite gazelle, mademoiselle, vous soulevez ton cœur, je me ferai pousser des ailes. À toutes les femmes, gardez la flamme. À tous les hommes, gardez la forme. Saisis chaque moment comme si c'était le dernier. Place toujours l'amour en premier. Yes, I love you in more. And I love you in more now. You got to leave me rainbow now. Fanta Diallo, j'étais dans la peau. Fanta Diallo, c'est toi qu'il me faut. Fanta Diallo, malgré mes défauts. Fanta Diallo, veille sur moi de là-haut. Fanta Diallo, j'étais dans la peau. Fanta Diallo, c'est toi qu'il me faut. Fanta Diallo, malgré mes défauts. Fanta Diallo, veille sur moi de là-haut. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo, Fanta walking on the rainbow now. Je chante pour me souvenir. Fanta shivering in the moonlight, baby. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Alpha Blondie. Fanta Diallo. Sweet, sweet, Fanta Diallo. Fanta Diallo, Fanta walking on the rainbow now. Fanta Diallo. Shivering in the moonlight, baby. Voici pour toutes les femmes. Où tu sois. Vamonos, vamonos ahí. Oh, los gypsies. Vamonos ahí. Vamos ahí. Oh, vámonos, vámonos ahí. tiempo y sin ti no sé vivir. La razón es para mí siempre sufrir. Llora el viento al pasar, me da a entender que en la vida solo a ti esperaré. Yo recuerdo tu mirar y tu besar, tus sonrisas bajo el sol primaveral. Estoy solo sin tu haber, lo que tú harás. En mi alma hay dolor al esperar. Ven a mí, ven, no tardes más. Ven por favor, te lo ruego yo. No podré esperar. Ven a mí, yo quiero saber de venir por fin así. Dime, oh amor. Es la vida que envejece sin piedad, mas mi amor será siempre en eternidad. En mis blancas noches tú revivirás el recuerdo de mi amor a despertar. En mi mente siempre como un altar, y tu rostro grabo en mí para soñar. El momento de llegar muy, muy pronto ya, y veré la realidad al despertar. Ven a mí, ven, no tardes más. Ven por favor, te ruego yo, no podré esperar. Voici donc que s'appelle Claude Barzotti, d'accord, d'accord. Et puis juste après, ce sera tout simplement Regarde-moi. Soir, j'ai ouvert les fenêtres pour que le vent puisse y entrer. J'avais si soif depuis longtemps, et la pluie tombe maintenant. Il en a fallu quelques pierres pour te parler de mes misères. Je fais le pilier de comptoir et je vomis toutes mes histoires. Si tu te barres et que t'en as marre, je ne rentrerai pas ce soir. D'accord, d'accord, d'accord, il se fait tard. D'accord, d'accord, j'ai pas fini de boire. D'accord, d'accord, ce soir c'est jour de fête. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord, j'en suis pas fier. D'accord, d'accord, garçon, un dernier verre. D'accord, d'accord, ne me fais pas de discours. D'accord, d'accord. Demain, c'est un autre jour. Tu es celui que je déçois. Parmi les gens que je côtoie, la victime que j'ai choisie, qui sait de moi toute ma vie. Tu pleures mes larmes parce que tu m'aimes, alors tu souffres mes problèmes. T'es mon ami, je te demande tout. Je t'entraîne dans mon trou. T'es mon ami, t'es pas mon maître. Je te demande juste de rester. Puis je fermerai les fenêtres sur toutes mes tristes idées. D'accord, d'accord, d'accord, il se fait tard. D'accord, d'accord, j'ai pas fini de boire. D'accord, d'accord, ce soir c'est jour de fête. D'accord, d'accord, d'accord, d'accord, d'accord, j'en suis pas fier. D'accord, d'accord, garçon, un dernier verre. D'accord, d'accord, ne me fais pas le discours. D'accord, d'accord. C'est un autre jour. Ne me ramène pas chez moi. Mon amour pourrait s'inquiéter. Patron, ne ferme pas le bar. Buvons encore à ma santé. Regarde-moi, j'ai besoin que tu viennes. Je veux me dévoiler afin que tu comprennes. Je voudrais te montrer mes failles et mes faiblesses. Que tu ne dises pas, je ne le savais pas. Regarde-moi, je n'ai rien dans les poches. Je vis de l'air du temps, je suis comme un gavroche. Ne voulant posséder ni de biens ni mes proches. Et comme je n'ai rien, le monde m'appartient. Regarde-moi, je suis bien trop sensible. Un mot peut me briser. Plongé dans l'abîme, là je cours me cacher et je souffre en silence, mais le cœur libéré, je meurs et je renais. Regarde-moi, j'aime aller dans les villes, quand tout est endormi, je vais d'un pas tranquille. Sur les bords du chemin, je surveille ma chance, quand je me sens perdu, au coin de chaque rue. Fatigue quand mes idées sont noires, mes journées toutes grises, et quand le désespoir rejoint ma solitude, seule la musique est là pour retrouver ma joie. Regarde-moi, l'amour est mon seul maître, l'amour est fait pour moi, c'est ma seule richesse, et je le cherche partout. L'amour est mon seul rêve, mais quand je l'ai trouvé, il veut se dérober. Si on ne m'aime pas, si tout va de la sorte, je fais ce que je veux, je suis un homme libre et je continuerai, surtout si ça déplaît. Regarde-moi, j'ai besoin de tendresse, comme un enfant blessé qui grandit sans caresse, croyant l'amitié, souvent déçu par elle. Il me faut réparer mes illusions gâchées. Regarde-moi, je suis un peu fragile, un jour triste, un jour gai. Je suis mélancolique, je rêve d'infini, mais je suis romantique, naïf et maladroit. La vie m'a fait comme ça. Regarde-moi, mais tout que m'importe si on ne m'aime pas. Si tout va de la sorte, je fais ce que je veux. Je suis un homme libre et je continuerai, surtout si ça te plaît. Tour de Pise, avec douceur elle penche la tête. Et juste après, une toute petite bise vient souligner l'urgence de leur requête. La tête sur le côté, juste pour demander. Les filles font des tours de Pise. Des tours de Pise, des tours de Pise. Les filles font des tours de Pise, des tours de Pise, des tours de Pise. Les filles font des tours de Pise, c'est pour charmer sans en avoir l'air. Nous les garçons, fait des tours de piste. C'est comme ça depuis des millénaires. On a beau le savoir, on se fait toujours avoir. Les filles font des tours de pise, des tours de pise, des tours de pise. Les filles font des tours de pise, des tours de pise, des tours de pise. Les garçons font des tours de pise pour mieux séduire sans en avoir l'air, pour éviter les crises. Les garçons font des tours de pise pour s'excuser sans en avoir l'air. Les garçons font des tours de pise, des tours de pise, des tours de pise. La tête sur le côté, juste pour demander, penche encore un petit peu, tu obtiens ce que tu veux. La tête sur le côté, pour te faire pardonner, penche encore un petit peu, pour séduire, c'est bien mieux. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Atlantique café. Dans tes bras, dévaler les escaliers. Comme si on volait. Sentir ta force et le vent. Nourrir s'entremêler. Doucement, tu t'approches de moi. Mon cœur bat plus fort. Rejoins-moi. Pour jouer dans les vagues, bouger dans l'océan. À l'horizon, notre avenir, comme sur un fil. Et ne jamais se douter que même le soleil bascule de l'autre côté. Doucement, tu t'approches de moi. Mon cœur bat plus fort. Jouer dans les vagues, bouger dans l'océan. Arc-en-Ciel. Bien 16h55, voilà déjà la cour de l'émission terminée. N'oubliez pas qu'à partir de 19h, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver Christophe avec Lyric Choc. Voilà, et donc pour ma part, on va se retrouver bien vendredi entre 14h jusqu'à 17h, et puis ainsi vendredi entre 11h à 14h avec Sébastien. Voilà, donc je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Portuguesa, ella baila la portuguesa.